pare pou m fè. Tout bagay pou m ap fè. Pa gen yon mwen pa fè pou. Tout bagay pou. Pa gen yon mwen pa fè pou. M pare pou m fè. Tout bagay pou m ap fè. Mèt kote sou mè, mè remè rive jist nou marye. Mbap ki t'o fè an yon fason pou pa fatike. Lè ou sou travay, mwen pa prepare manje. Lè ou fin manje, rentre nè chemè al kouche. Ou al pose, mwen mwen fè kon ou kone. Mbap ka kontrole, telman mwen pral ba ou la. Fait tout bagay pou m'ap fait rien mwen pa fait pou.